Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus dans mon émission Autour de vous qui traite de l'actualité locale, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Je reçois aujourd'hui Léa, Jules et Emma dans nos locaux pour parler de médiation animale. Bah, comme tout le monde le sait, c'est un secret pour personne, je suis sensible à la cause animale. Vous avez sûrement déjà écouté une de mes chroniques qui s'appelle « Nos amis des animaux ». Je vous donnais quelques infos insolites sur nos amis à quatre pattes. Je me suis entretenue il y a quelques semaines avec Nicolas Simonet, président de l'association Aspa Vosges, pour parler de maltraitance animale et plein d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet beaucoup plus léger et positif, la médiation animale. Alors qu'est-ce que c'est ? Restez avec nous pour le savoir. Je suis actuellement avec Léa, Emma et Jules. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Jules. Enchantée Jules. Ça va très bien pour nous. Merci de nous accueillir. Je suis ravie de vous recevoir dans mon émission. Alors Léa, quel est ton rôle au sein de l'association Plumenco ? Alors j'ai créé l'association Plumenco il y a 4 ans pour donc faire de la médiation animale ou zoothérapie. Mon rôle, je suis éducatrice spécialisée de formation et mon rôle c'est d'accueillir des personnes... jeunes, adultes, en difficulté avec le support de la médiation animale. Alors Emma, tu es service civique, c'est quoi ? Oui, alors le service civique, c'est plein de bonnes choses. C'est tout d'abord un engagement citoyen, surtout. Après, c'est surtout la participation à la vie associative, du coup. Moi, ça me permet de découvrir le fonctionnement d'une association. Et puis, c'est surtout une belle expérience de quelques mois, du coup... Ça nous permet d'avoir des missions donc dans une association. Comment as-tu découvert cette association ? Alors en fait, à la base déjà, je ne connaissais pas du tout le service civique. Et un matin, j'ai tendance à beaucoup m'intéresser aux Vosges. Donc j'ai vu un article dans Vosges Matin de Plumenco. Et c'est là que j'ai décidé d'appeler l'association. Et Léa m'a dit qu'elle recherchait justement deux services civiques. Et depuis, je suis là depuis avril du coup. Donc ça va faire 3 mois. Et ça te plaît ? Ah oui, franchement, c'est une superbe expérience. Et puis moi, je suis passionnée des animaux depuis très petite. Donc c'est aussi le travail de la ferme qui me plaît parce que je connaissais moins. Et ça me permet d'apprendre plein de choses aussi, de rencontrer plein de monde. Et puis ça fait du bien aussi de pouvoir aider des gens, tout simplement, pour faire du bien à la société. Et tu fais quoi exactement dans l'association ? Tu t'occupes des animaux ? Tu t'occupes des gens qui viennent les voir ? Alors en fait, il y a plein de choses différentes et c'est ça qui est génial, c'est diversifié. Ça va être, évidemment, ça va être surtout s'occuper des animaux. Donc ça va être les nourrir, ça va être faire du nettoyage. Mais ça peut du coup aussi accueillir des enfants. Après, il y a plein d'autres missions que moi je peux apporter aussi. Moi, mon projet, ça va être plus apporter des activités musicales, comme j'adore la musique, je fais du piano. Et du coup, ça va être de mettre ça au sein de l'association, parce que la musique aussi, ça peut faire du bien, hein, comme la médiation animale. Après, ça va être aussi participer à des événements pour l'association, pour la faire connaître. Et après... Ça dépend des jours, il y a plein de choses différentes, ça peut être aussi l'activité, on fait de l'activité calèche, il y a plein de choses à faire en fait avec les enfants et ça leur fait du bien aussi. La musique ça fait du bien pour nous mais ça fait également du bien pour les animaux ce qui paraît, est-ce que c'est vrai ? C'est pas faux, on a déjà entendu des études comme quoi, plus la musique classique en tout cas, mais bon après pourquoi pas d'autres musiques. Moi je chante au clair de la lune. Je sais pas ce qu'en pense Léa. Oui, les animaux aiment bien écouter de la musique, ça m'arrive de mettre de la musique. Parce que justement j'avais trouvé une info insolite sur internet comme quoi les vaches faisaient du meilleur lait en écoutant de la musique classique. Oui, ça les détend apparemment. C'est fou comme truc. Nous allons faire une pause musicale avant de parler de l'association Plumenco. On se retrouvera juste après, à tout de suite sur Radio Gamozo. La lune, on va déjà viser la pluie. Mes animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. On va pas viser la lune, on va déjà viser la pluie. Mes animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. Ouais. Arriver d'échouer, voilà où j'ai échoué. Si on ne me juge pas, Plumenco est devenu mon choix. Je suis entouré de bestioles, pas besoin de jouer un rôle. J'apprends à me comprendre et à comprendre les autres. Avant pour moi, une truie, un âne, c'était les noms d'oiseaux que si visait les gens quand ils étaient fâchés l'un pour l'autre. Ça m'arrive d'être en colère quand ça se voit sous ma tête. C'est aussi le cas chez une biquette, ainsi les bêtes n'ont rien de bête. Chaque être sur cette terre a sa manière de dire les choses. Le vivant s'exprime, il faut faire attention à ce que tu oses. Un geste brutal peut tout couper. Je vois naître une amitié entre moi et l'anima, je n'ai pas envie de tout gâcher. Ici c'est un endroit où il m'est permis d'essayer. Ici est un endroit où je peux me tromper. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. C'est m'est arrivé d'échouer, grandir c'est mon souhait. Je me respecte aussi et je respecte ceux qui vivent. La nature m'apprend qu'elle n'a pas besoin de moi. Mais agresser la faune, la flore, c'est ce qui la détruit. Si je détruis la nature, je me détruis moi-même. Tous les hommes et femmes sur terre doivent comprendre ce problème. Si j'y arrive, c'est déjà le plus important. Changer les choses, c'est d'abord se changer soi-même. Respirer l'air que les arbres, les plantes me proposent, me donne la force de voir peut-être la vie en rose. Loin du béton, on apprend, on réapprend à se rendre solide. Les bétons, la voiture, les bétons, les bolides. Avec toute la troupe, les canards, les oies, les chèvres et les boucs. On marche dans la même direction, peu importe ton look. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau, ouais. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau, ouais. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau. On va pas viser la lune, on va déjà viser la plume. Les animaux de Plumenco te tirent déjà leur chapeau, ouais. Je vais pas forcer mais plutôt te guider. Bienveillance, le maître mot, ça donne le turbo pour avancer en confiance. Ici on est là pour toi. Respire, profite de cet instant magique. Une bouffée d'oxygène, pas besoin d'aller vite. Observer, appréhender, respecter les animaux et suivre tranquillement leur tempo. Ici pas d'effet placebo mais du soin au contact des bêtes. S'il te reste de l'énergie, la prochaine séance ce sera sur l'éthologie. Nous revoici sur Radio Gémozo 107FM. Vous venez d'écouter un son très spécial. Alors Léa, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix de musique s'il te plaît? Alors, c'est une musique qui a été créée pour l'association par un artiste spinalien qui nous soutient et qui a créé décidé de créer un rap. Donc, il s'appelle Alban et il est auteur, compositeur, interprète. Et c'est lui qui a donc créé, pour expliquer un petit peu l'univers de l'association, ce qu'on y fait, quelle est l'idée aussi de l'approche qu'on a au sein de l'association. Donc c'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Et voilà. Donc je ne sais pas si on a bien compris l'intérêt de la chanson. Tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y. Ça veut dire quoi, auteur-interprète? Alors ça veut dire que c'est lui qui a écrit les paroles. Donc il a écrit les paroles. Donc quand il fait ses musiques, c'est lui qui fait les paroles. Et puis il fait aussi la musique. Ah, c'est lui qui crée le son? Ouais, le son aussi. Et voilà, et c'est lui qui chante. En fait, il interprète la chanson. C'est son propre maître. Voilà, exactement, c'est son propre maître. Et voilà, et l'idée, ça serait peut-être éventuellement d'en faire un petit clip pour faire des images aussi de l'association, puis de mettre en image un petit peu cet univers. Donc c'est Albe. Ouais, c'est super comme idée et ouais. Jules a l'air très content, a l'air très, très enthousiaste à l'idée de faire un petit clip avec les animaux. Ouais. Alors Léa, depuis quand elle existe l'association Plumenco? Eh bien depuis 2017, elle a été créée en 2017, donc on est situé sur les hauteurs de Rue-sur-Moselle, en carrefour de trois communes, Rue-sur-Moselle, Dommartin et Gion-Val-d'Ajol, et c'est situé dans une ferme. Une ancienne ferme, voilà. Alors qu'est-ce que c'est l'association Plumenco? Eh bien l'association Plumenco, comme je disais tout à l'heure, ben, on a décidé de proposer un lieu d'accueil en fait de jour pour différents publics, différentes personnes. Et le support, l'intérêt premier, sont les animaux en fait. C'est les animaux qui sont sur place et qui sont là pour aider les personnes qui viennent nous rencontrer. Donc voilà, la glazothérapie, la médiation animale, c'est la recherche des interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle d'un homme et d'un animal, donc souvent dans le domaine social ou thérapeutique. Donc là, voilà, c'était l'idée de l'association en fait. Combien compte d'adhérents l'association? On est aux alentours d'une vingtaine d'adhérents, de personnes qui nous soutiennent et voilà, nous se mobilisent aussi. Et puis sur place, moi je suis la salariée principale, puis voilà, on fait appel à des services civiques tout au long de l'année pour aussi nous aider au niveau de la gestion, parce qu'on a beaucoup beaucoup d'animaux, donc voilà. Donc peut-être qu'on peut demander à Jules, jeune homme qui nous a accompagnés aujourd'hui, de nous dire combien il y a d'animaux et quelles sortes d'animaux on a à l'association. Il y a une quarantaine d'animaux et il y a des chats, des chiens, des rats, des chèvres, des perruches, des pigeons, un canard. Bon, il y a des carpes, mais c'est pas considéré pour les élever. Il y a des chevaux, un âne, des poules, des oies, des brebis, un bouc, un âne. Non, le lapin. Ah, il y a Punky le lapin. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, il y en a un. Emma, elle en a un. Cochon, on a un. Ah, c'est voilà. Important. Et les cochons, il y a un cochon. Et puis des pigeons. Voilà. Et il y a un vrai cochon. Ah, il y a un cochon aussi. Il s'appelle Dodine. Voilà, très bien. C'est la mascotte. Super. Est-ce que tu as nommé les axolotes ? Non. Ça, c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Déjà, c'est quoi un axolote ? C'est un poisson avec des pattes, c'est ça ? C'est comme une salamandre. Voilà. Et ça vient du Mexique. Mais en fait, les vrais axolotes, ils sont un peu tout foncés, genre brun. Un peu noir, et alors qu'à Pumenco, ils sont blancs et roses. Et ça vit dans quoi, un axolote ? Un aquarium ? Ouais, un aquarium, mais au Mexique, ça vit dans des étangs ou des lacs. Ah, super, je viens d'apprendre quelque chose. Je suis très contente. Alors Léa, quelles sont les différentes tâches qui sont attribuées aux bénévoles ? Est-ce qu'ils font le même travail que toi ou... Moi, j'accueille principalement les personnes, le public, en difficulté, donc les bénévoles ne sont pas forcément... au contact des personnes, mais par contre, quand il s'agit de la gestion de la ferme et puis de la gestion des animaux, là, ça peut être ce qui est possible aussi. Est-ce qu'ils ont un rôle au sein de l'association, un rôle spécial ? Les bénévoles ? Voilà. Oui, c'est ça, c'est de l'aide pour de la gestion des animaux. Nous allons faire une pause musicale avec un son que tu as choisi, Jules, avant de parler de médiation animale. À tout de suite sur RGM 107 FM. Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. A flower in the desert of my heart, till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. quelqu'un est de tes pas. Je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Derrière chacun est de tes pas. Je suis là, mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Nous sommes de retour pour parler de médiation animale. Merci aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre via le 107FM et sur notre site internet. Merci à celles et ceux qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Alors, qui s'occupe des animaux, Léa ? Bah, nous. Un peu tout le monde. Hein. Tout moi ce... aussi. Voilà. J'adore les animaux. Je répartis les tâches en fonction des besoins. Voilà, puis l'idée, c'est qu'à la ferme, on essaye un maximum de laisser les animaux libres. Et penser au bien-être animal, évidemment. Bon, je ne vais pas te faire de dessin. En fait, l'idée, c'est de répondre un peu, au maximum à leurs besoins et voilà, d'avoir des grands parcs, des espaces jolis, des espaces adaptés. Et puis, voilà, de toujours être là pour voir si c'est OK. Puis, bon, c'est aussi un gros travail, comme on reçoit du public et qui sont en contact de personnes en difficulté. C'est aussi un travail d'éducation et d'habitude. Enfin, pas d'habituation, j'aime pas dire ce mot, mais d'éducation pour qu'ils soient le plus détendu possible quand ils sont avec des personnes. Et puis nous, ce qu'on apprécie aussi à l'association, c'est qu'ils soient en liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cage, ils sont dans un parc en liberté et ils peuvent se déplacer et ne pas être contraints ou forcés d'être au contact de la personne. Comment est-ce que vous les avez recueillis ? Alors, c'est à chaque fois des histoires. Soit on propose des animaux, soit c'est moi qui vais chercher. Parce que j'aime bien les avoir petits pour pouvoir les habituer au maximum et puis qu'ils aient vraiment, qu'ils grandissent avec nous au contact, et puis qu'ils aient leurs habitudes, quoi. Est-ce que tu penses que la zoothérapie, ça peut aider une personne atteinte d'autisme, par exemple, à lui permettre de se sociabiliser par la suite ? C'est une grande question. grande question. Alors, je pense que ça peut aider de toute manière, évidemment. Les animaux, ils nous aident. C'est le bien-être. Il y a beaucoup d'objectifs. Après, à se socialiser, je pense que c'est un trouble qui est à part entière. Et j'ai pas envie de dire que ça va être la solution ou va pouvoir... Ça va aider au mieux-être et donc à la sociabilité. Si la personne se sent mieux, évidemment qu'on peut toujours avoir... c'est beaucoup de travail. Et puis, de toute manière, une personne autiste doit être accompagnée, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, Jules, tu vas de temps en temps là-bas. Alors, pourquoi ? Pour me détendre, parce que je suis très impulsif, mais sinon, ça m'occupe. Et puis, c'est parce que j'aime bien m'occuper des animaux. Surtout les chevaux. Comment est-ce que tu te sens après avoir été les voir ? Est-ce que tu te sens mieux ou... Je me sens détendue, calme. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça fatigue un peu, mais... C'est de la bonne fatigue. Est-ce que tu t'es attachée à un animal en particulier ? Le cochon. Alors, on peut peut-être... Tu peux la décrire et puis dire un petit peu. Elle s'appelle Dodine, donc. Elle est un peu grosse, mais elle est petite. Tu sais la race ? Non, mais j'appelle ça un cochon nain. Nain, voilà. C'est un cochon nain vietnamien. Ah, c'est les cochons noirs, c'est ça ? Petit, ouais, voilà. Georges Clooney, il en avait un, je crois. Voilà. même il a des poils, c'est comme des... des sortes de petites griffes. Oui, mais voilà. Il faut lui caresser le ventre et elle se couche et après elle aime bien. C'est cool. Voilà, ouais. C'est vraiment comme un chien en fait. Hein. C'est la particularité du cochon. Il a vraiment les mêmes aspects qu'un chien. C'est-à-dire que bah, Dodine, elle répond à son prénom, elle adore les caresses. Elle aime bien quand on s'approche d'elle, qu'on vient la caresser. Elle se fait des bains de boue. Voilà, c'est des bains de boue. Mais ouais, ouais, c'est vraiment. Et puis, c'est vrai que c'est agréable parce qu'elle est aussi en liberté. Donc, du coup, elle vient nous voir et c'est elle qui décide aussi de quand elle a envie de venir avec nous. Et puis, elle peut repartir quand elle veut. Donc, ça, c'est chouette. C'est la mascotte. Ouais, c'est ça. Alors, Jules, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert la médiation animale ? Qui c'est qui t'a amené à Plumenco ? Bah en fait, c'est ma mère, elle s'était renseignée et elle a trouvé ça et du coup, elle a contacté Léa et Léa, bah, elle a accepté. Voilà. Du coup, ça fait maintenant un an et un mois que je viens. Tu viens, ouais. Alors Emma et Jules, est-ce que le fait d'être avec les animaux vous fait vous sentir bien ? Ah ben, bien évidemment, hein, dans tous les cas, on sait que les animaux, déjà, c'est des êtres qui ne jugent pas, surtout. Donc, puis comme vous disiez tout à l'heure, ils ont parfois plus d'humanité que nous. Ah, c'est certain. Ouais. C'est pas faux. Personnellement, j'ai plus confiance aux animaux qu'en l'homme. Dans le sens où si un animal, il nous aime pas, il nous le fait tout de suite sentir. Exactement. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est ce que je rebondis un petit peu. Le fait qu'on ait la réponse immédiate et ben voilà, de bien-être et de câlins et de moments agréables. Et en même temps, si l'animal n'a pas envie, il nous le fait sentir, il s'éloigne. Donc nous, on lui laisse l'opportunité, la porte de sortie de pouvoir s'éloigner. Et surtout de reprendre et de faire comprendre au public que j'accueille le pourquoi, à un moment, peut-être l'animal ne veut plus, n'accepte plus. Et puis d'être d'accord avec ça et de ne pas forcer, quoi. Donc à partir de là, découle plein de possibilités de discussion aussi, du coup, avec la personne et d'explications aussi. Donc je trouve que c'est intéressant. Ben, moi, je me sens très bien. Et puis. les animaux, moi, c'est mes amis. Alors, les animaux font du bien aux visiteurs, mais est-ce que ça fait du bien aussi aux animaux d'être avec nous, par exemple ? Est-ce qu'eux, ils se sentent bien aussi ? Oui, je pense qu'après, c'est eux qui décident s'ils se sentent bien ou pas, s'ils ont envie de partir, comme disait Léa. Mais après, en fait, ils ont tellement été habitués voilà, à sociabiliser que finalement, ils sont contents d'être avec nous. Ils ont besoin de contact humain. Mais bien évidemment, après, je pense qu'un animal, il retient, voilà, si on fait une erreur... Si on commence à lui faire du mal, il va le retenir. Et je pense que là, à ce moment-là, il y aura beaucoup de craintes. Mais il ne faut pas les forcer. Mais il ne faut pas les forcer. Est-ce que les animaux ressentent notre stress et notre mal-être ? Oui. Je pense qu'ils sont très sensibles. Bon, après... Surtout les chiens. Surtout, ouais, les chevaux aussi, beaucoup, je pense. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup les chevaux aussi, justement, pour certaines maladies, comme ils sont très sensibles, en fait. Mais oui, après, il y a tous les animaux qui peuvent aider dans tous les cas. Après, chaque personne décide quel animal elle préfère aussi. Après, il y a une légende qui dit que ce n'est pas nous qui choisissons un animal, mais que c'est lui qui nous choisit. Est-ce que c'est vrai ? Oui, moi je suis assez d'accord. Ouais. Bah, je le vois bien quand, voilà, comme je disais tout à l'heure, les animaux ils sont en parc en liberté. Si je peux faire le parallèle avec du coup mon travail, c'est que les animaux ils viennent vers les personnes et on va voir qu'en fonction des personnes, il n'y a pas le même animal qui va se tourner, venir s'approcher. Et que c'est un peu lui qui choisit en quelque sorte. C'est sûr que voilà, il va pas. Moi, je vais pas forcer la personne ni l'animal. C'est l'animal qui va faire le choix de se déplacer, de s'approcher et de se laisser caresser ou pas. Et ça, c'est assez flagrant quand on arrive dans le parc. C'est l'animal qui décide. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne spécialisée dans la zoothérapie à Plumenco ? Bah oui, moi. Du coup, moi, je suis éducatrice spécialisée au départ et donc c'est un peu mon cheval de bataille. C'est-à-dire que j'ai un diplôme dans le social en premier lieu et je me suis reformée donc plus tard à la médiation animale donc pour pouvoir pratiquer en plus de mon métier. Est-ce que c'est toi qui attribues un animal à un visiteur par rapport à sa pathologie ou ça se fait tout seul ? Oui, voilà. Ça va dépendre de la pathologie, du projet de la personne, de ce qu'on a mis en place. Mais en tout cas, oui, voilà. Ça dépend des situations. Mais souvent, on va prendre un animal en fonction de la pathologie, puis de l'appréhension de la personne. Et puis, des fois, ça se fait naturellement. Ça dépend. Comment tu fais pour te dire qu'un animal ira mieux à un visiteur qu'à un autre ? Eh ben, voilà, en fait, c'est par rapport à la, ce que je disais, à la pathologie, en fait, au projet. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on va mettre en place. Et puis, si la personne, ben, peut-être, peut être impressionnée parce que je travaille avec des chevaux de trait, ben, on va peut-être aller vers un animal plus petit, plus délicat. Je disais tout à l'heure que je travaille avec le rat, qui est un animal qui vient aussi au contact et qui est très intéressant pour certains publics. Il va y avoir peut-être une appréhension. Mais tout ça, on va le travailler ensemble. Alors pour les auditeurs qui n'étaient pas là, Jules va nous faire la joie et l'honneur de nous dire quels animaux sont à la ferme. Si tu te rappelles. Il y a des chèvres, un bouc, des poules, des chevaux, un âne, des oies, des cochons d'Inde, un cochon, des chiens, des chats, des perruches, des pigeons. Des axolotes, tu m'as dit aussi. Des axolotes et un lapin. C'est bon, on a fait le tour, on est au complet. C'est déjà pas mal. C'est et puis bien. Le cochon surtout aussi. Nous allons faire une dernière pause musicale avant de se quitter. À tout de suite sur RGM 107FM. Destined to be Nous voici de retour avec Emma, Jules et Léa qui sont avec moi depuis midi. Comment ça va tous les trois? Tout va bien. Ça va super. C'est trop cool. On s'amuse. C'est trop bien, mais je suis ravie que vous soyez contents d'être là. Alors, quelles activités il y a à la ferme? Est-ce que ça a forcément un rapport avec les animaux ou pas? Alors oui, principalement. On fait plusieurs activités. On a aussi la chance d'avoir une calèche. Donc c'est une voiture hippomobile. C'est en fait un cheval qui tire une calèche. Mm-hmm. Tu peux dire son nom, Jules? C'est Tendresse. Et c'est quoi comme cheval? C'est un cheval de trait. Un cheval de compétition. Voilà. J'aime beaucoup son prénom, c'est très mignon. Elle est trop mignonne. Et voilà, donc la calèche, c'est aussi pour permettre aux toutes les personnes qui ont des difficultés souvent de se déplacer, de pouvoir aller en forêt et de proposer vraiment une immersion, d'aller en balade, donc au rythme du cheval, de permettre d'aller se balader, de prendre le temps, de voir le paysage, et puis souvent, quand on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir marcher, c'est pas forcément accessible. Donc l'association a acquis une calèche pour pouvoir permettre tout ça. Quand on me dit calèche, moi ça fait un peu penser à Cendrillon, un peu princesse. Mais c'est ça. Bah oui. Alors, quelle est la différence entre une ferme pédagogique et Plumenco? Alors, nous, on n'est pas une ferme pédagogique. Plumenco relève pas de ça parce qu'on n'est pas une ferme pédagogique, c'est un agriculteur qui accueille des classes, des groupes, et qui parle de son métier et qui expose un petit peu ce qu'est son métier. Là, on n'est pas agriculteur, moi je suis formée dans le social et j'accueille des petits groupes ou en individuel des personnes en difficulté avec le support de la médiation animale ou zoothérapie. Donc c'est là la grosse différence, et souvent on peut confondre les choses. Mais donc moi je suis formée spécifiquement dans le handicap et les problèmes, les troubles divers et variés. Donc voilà la différence. Je sais pas si c'est clair. Ouais. C'est clair. Alors Emma, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter sur la médiation animale ou sur Plumenco? Moi, ça m'a permis surtout de découvrir plein de choses parce que déjà, quand on a des animaux, en fait, on n'a pas tendance à s'intéresser au fonctionnement, au comportement de l'animal. Et moi, en fait, à la base, j'ai quelques formations dans le domaine animalier qui m'ont permis vraiment d'apprendre l'animal, de le connaître. Et c'est super important, en fait. Je pense que ça devrait être obligatoire de pouvoir se former, en fait, quand on adopte un animal, en tout cas. Mm-hmm. Moi, c'est surtout beaucoup d'expérience. Et puis, ça me permet aussi de gagner en confiance, parce que moi, là-bas, je suis une grande timide. Donc, ça me permet, de découvrir plein de choses. Et puis même le fait de participer à plein d'événements, c'est aussi beaucoup de boulot parfois. Donc et du coup Tu peux peut-être faire un petit listing d'une journée type. Oui, allez-y. Parce que c'est intéressant parce que on est en fait c'est pour expliquer la diversité en fait. Tout ce qui peut se passer en une journée, c'est très divers et varié, en fait. Il y a beaucoup de choses. Je demande au service civique aussi, mais je fais avec. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est tellement différent que, on peut se retrouver à une émission de radio. C'est vrai. Et puis, le matin, faire un parc. Je te laisse parler. Vas-y. Oui, en fait, ça dépend. Après, ça peut être des imprévus aussi. Ça peut être... Mais on s'adapte à tout, en fait, et c'est ça qui est bien. Ça peut être une journée par exemple comme ce matin avoir un groupe de jeunes qui vient et puis l'après-midi comme l'a dit passer à la radio. Après par exemple hier on a passé la journée à faire des parcs, défaire des parcs. Ça peut être plein de choses, mais on se rend pas compte qu'on a l'impression comme ça qu'on a le temps, mais finalement le temps il passe et puis après on a les aléas comme la météo, ce genre de choses. Ça peut être toute une journée de nettoyage aussi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a dans une ferme, en tout cas. Parce que peut-être qu'ils pensent que c'est facile, mais au final, il y a tellement de choses à penser. Aussi au bien-être, surtout, parce qu'il faut avoir la nourriture nécessaire au cas où. Il faut penser vraiment à tout. Donc, il faut toujours avoir, une prévision. Donc, c'est pour ça. Et à Plumenco, on a toujours des choses à faire. on s'ennuie jamais. C'est ça aussi. Tu as fait des formations animalières, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait ? Oui, alors en fait, du coup, après mon bac, moi, j'avais pas envie de continuer mes études parce que je savais pas quoi faire, mais je savais que je voulais me lancer dans le domaine animalier. Donc je suis directement partie au Québec pendant 2 mois faire une formation intensive dans un zoo de comportementaliste animalier, c'est pas facile à dire. Et du coup, bah, là-bas, c'est reconnu, mais quand je suis rentrée en France, bah, c'était pas reconnu, donc c'était un peu compliqué pour moi de le pratiquer, en tout cas. Du coup, en attendant, j'ai travaillé parce que je voulais pas non plus ne rien faire en tant que, du coup, conseillère de vente. Et en même temps, je me formais, donc j'ai fait aussi la CACET, donc c'est une attestation de compétences d'animaux domestiques. C'est un petit peu la base si on veut travailler, disons, si on veut faire de l'élevage, si on veut travailler dans des refuges. Peut-être même du toilettage, ça peut être plein de choses différentes. Alors c'est une toute petite formation, mais bon, on apprend plein de choses aussi. Et j'ai aussi également passé, parce que ça existe depuis pas très longtemps, les premiers secours canins et félins. Donc ça, c'est assez original. Donc il y a une association qui propose ça dans toute la France. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre plein de choses. Et puis c'est vrai qu'on pense pas forcément à faire une formation comme ça. Et du coup, après j'ai quitté mon boulot pour aller chez Léa. Ah, c'est cool. Bah, quels sont les gestes de premier secours qu'on peut faire à un canard ? Ça m'intéresse. Non, en fait, c'est canin et félin. Ah, pardon, oui. Non, pardon, c'est pas. Non. Non, mais après, ça peut s'appliquer à d'autres animaux, je pense. Mais. Non, c'est pas un canard, du coup. Pardon. C'est moi qui me suis mal exprimée, peut-être. Mais non, après, ça va être. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand un chien se blesse ? Je sais pas, on lui fait un garrot, il y a plein de choses à apprendre. Surtout aussi les battements du cœur, en fait, comme pour les premiers secours humains, hein, bien sûr. Sauf que chez les animaux, c'est 2 fois plus vite. Après, ça va permettre d'apprendre aussi qu'est-ce qui nous arrive, si on est en forêt, s'il y a, je sais pas, des tiques, ce genre de choses, quels produits il faut utiliser. Pareil, ça peut être sur l'alimentation. En fait, c'est assez varié. Et finalement, parfois, on apprend des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et même ça, parfois, c'est le contraire de ce qu'on pense, en fait. C'est clairement le contraire de ce qu'on nous apprend. Donc, c'est pour ça. Alors, quels sont les genres d'alimentation qu'on donne aux animaux ? Ça dépend de l'animal. Après, il y a beaucoup de foin, quand même. En partie. Qu'est-ce que tu sais, toi, Jules ? Qu'est-ce qu'on peut donner à part du foin aux animaux ? Aux poules, on donne quoi ? Des restes qui se mangent plus, du pain, des graines. Des graines, ouais. Surtout des graines. Des graines. Puis après, il y a plus d'Odine qui a le droit à des restes, des pelures, voilà. Ce genre de choses, parce qu'elle adore les légumes. Même les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde aussi, c'est vrai. C'est pas faux. Mais est-ce que c'est vrai que c'est pas très recommandé de donner du pain aux animaux ? En fait, c'est pas bon parce que c'est pas bon pour la digestion. En fait, souvent on donne du pain à des herbivores. C'est comme pour nous un peu en cheval fait, et en fait c'est pas très très bon. Le cheval est pas fait pour manger du pain dur en fait. Donc c'est une friandise, on va dire, mais faut pas en donner beaucoup. Et une carotte ou une pomme. Voilà. C'est un peu comme si nous on mangeait des burgers. Oui, parce que j'avais vu une éleveuse de moutons qui avait mis sa brebis qui était malheureusement décédée. Elle avait mis « ne donnez plus de pain à ma brebis » parce que voilà ce que ça fait. En fait, elle s'est étouffée avec, quoi. Ouais, souvent, en plus, les gens, ils veulent s'en débarrasser. Ils donnent du pain mou. Ça peut bloquer l'œsophage et tout. Donc, ouais, c'est pas très, très bon. Alors, nous allons reparler juste un tout petit peu de l'association. Qu'est-ce qu'il y a de prévu prochainement pour l'association, Léa ? Alors, on a fait une petite journée porte ouverte il y a 2 semaines avec un petit spectacle parce que oui, l'association... J'étais là. Oui, tu étais là, tu as vu le spectacle. Dans le cadre de la Nuit des Forêts, on faisait partie donc de la Nuit des Forêts avec un groupe d'associations du coin. Donc, on a proposé un petit spectacle en calèche avec les acteurs qui étaient tout le long de la balade en calèche et qui représentaient des animaux de la forêt disparus. Donc, tu te souviens des animaux qu'il y avait, Jules ? Le grand tétras. Oui. Le lynx. Oui. Et la chauve-souris. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu parler les animaux pour expliquer en quoi ils étaient en voie de disparition, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. Donc ça, c'était la dernière... qu'on a mis en place. Et la suite, les prochaines, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a participation au marché quand même. Mais on participe, voilà, on va participer au marché nocturne du Giron-Val d'Ajol avec des tours en calèche. Et puis voilà, si vous voulez nous rencontrer, et puis je dis toujours, n'hésitez pas à envoyer un mail, faire comme toi, Laura, si vous êtes pris de curiosité ou d'envie de visiter le lieu des lieux, il n'y a aucun souci. C'est quoi un grand tétra? Alors, Jules va nous répondre. Un grand tétra, bah, c'est comme une poule, mais c'est tout noir et c'est pas une poule. C'est, ça vit dans la forêt, et même qu'ils ont du mal à manger pendant l'hiver, parce qu'ils mangent, je pense, que herbe, je crois. Oui. Et des fois des insectes. Oui. Ça vit dans les forêts malins du Jura et ça a un peu disparu des forêts vosgiennes aussi. Mais Léa, pratiquement. Il y a des lynx dans les Vosges. Oui, apparemment. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a. Moi, je pensais que c'était en Arabie Saoudite. Il doit rester une vingtaine. Oui, non, il y en a dans les Vosges. C'est comme les gros chats sauvages, mais avec des oreilles pointues, c'est ça? C'est ça. C'est trop mignon. Ouais. Puis du coup, voilà, l'idée, c'était de parler de ces espèces un petit peu disparues, donc la chauve-souris, mais qui nous rendent quand même service. Et puis aussi le fait que ben, ça ait disparu des forêts vosgiennes et qu'il faille faire attention, nous, en tant que promeneurs aussi, sensibiliser un petit peu voilà, à toutes ces espèces qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont là, qui existent dans les forêts vosgiennes, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà parlé du loup, par exemple ? Non, bah là pour le spectacle, on n'a pas dit, on n'a pas mis en place, on n'a pas parlé du loup, mais on aurait pu. Ouais, c'est un grand sujet le loup, surtout que c'est des fois un sujet de conflit même avec les éleveurs tout ça. Donc voilà, c'est une espèce protégée, rappelons-le. Nous c'est plus le renard hein. Chez nous qui rôde ou les fuines à la limite, mais bon. C'est trop beau un renard. C'est très beau un renard. Ça aime bien nos poules. C'est ça. Ou les buses aussi. C'est très très beau. Les hérissons aussi, je trouve ça trop mignon. Ouais, ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association, Léa ? Eh bien, en nous contactant, voilà, pour, si je disais, si vous voulez venir nous découvrir, parler avec nous de ce qu'on fait, de notre projet, voilà, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Puis d'ailleurs, il y a des gens, on est sur un chemin de randonnée, donc des fois, quand les gens voient Dodine sur le bord du chemin, en train de manger un peu d'herbe, comme on disait, c'est la mascotte, ben, les gens s'arrêtent. Et puis, c'est vrai que souvent, ça crée une discussion aussi sur la condition du cochon. Moi, j'explique souvent que ça a beaucoup plus de, que c'est comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est vrai que les gens souvent ils m'interpellent parce qu'ils voient des animaux, ils voient qu'ils sont en liberté, qu'ils sont bien nourris et puis que peut-être elle va répondre à son prénom, tout ça. Donc des fois on est un peu porte-parole aussi du bien-être animal et de tout ce qu'on fait en ce moment subir des fois aux animaux d'élevage en tout cas. Donc voilà, faut pas hésiter à venir discuter avec nous, à prendre contact sur le site aussi, et puis à envoyer un mail, voilà. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées du site internet et de la page Facebook de Plumenco ? Eh ben, c'est Plumenco, plumenco.fr pour le site. Là, il y a toutes les coordonnées, et puis ben, Plumenco sur Facebook, vous trouverez mon contact. N'hésitez pas à soutenir la page. Alors Jules, est-ce que tu aimerais travailler avec les animaux plus tard ? Moi, je voudrais me lancer dans un métier éducateur en foyer pour être avec des enfants parce que j'aime bien les enfants. Et si je peux pas, je voudrais devenir marin-pompier à Marseille. Que de beaux projets. Et toi, Emma, est-ce que tu as des projets pour la suite ? Moi, c'est toujours compliqué. Moi, je fais vraiment au jour le jour, hein, carpe diem, comme on dit. Donc, je trouve que ça marche bien pour l'instant. Non, mais en fait, je me mets pas la pression parce que je me dis que je suis encore jeune et j'ai pas envie de faire quelque chose qui me plaît pas et de me forcer à le faire. Donc, mais je me verrai peut-être bien après travailler dans une ferme, pourquoi pas. Oui, après, ce sera dans tous les cas avec les animaux, ça c'est sûr. Alors, Léa, est-ce que tu as des projets futurs avec l'association ? Sur le long terme. C'est une grande question. continuer quoi. Enfin, si c'est le projet principal, c'est de tenir le cap et de pas lâcher le projet parce que je vois que ça fait plaisir à des jeunes comme Jules et plein d'autres personnes et puis que voilà, donc continuer, puis faire ça dans le respect toujours de l'animal et des personnes qui viennent, et dans la bienveillance. Oui, parce qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais des fois on se déplace aussi en maison de retraite, du coup, ou en crèche. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au bien-être de l'animal, parce que, par exemple, comme c'est sûr qu'en été, on va pas se déplacer parce qu'il fait beaucoup trop chaud, donc on va peut-être demander aux personnes de se déplacer, de venir à Plumenco. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait du bien aux personnes âgées, elles sont toutes contentes. Du coup, on prend des rongeurs, donc des cochons d'Inde, lapins, et ça nous arrive de prendre des poules et coqs aussi. Et puis le coq, il chante, donc les personnes âgées, elles sont contentes. Ça les fait rire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les trois ? Du bonheur. J'allais dire la même chose. De la joie et de la bonne humeur. Est-ce que t'as un slogan à ajouter, Jules, pour Plumenco ? Je sais pas ce que c'est un slogan. C'est, tu sais, ta phrase que tu dis toujours sur Plumenco. Ah oui. Plumenco, c'est comme la drogue des enfants. Ça détend. Très belle pub. Je vais pas te dire ça. Hein. Ils l'ont trouvé tous. Alors cette émission est maintenant terminée, hélas. Vous pourrez la réécouter demain à 18h sur nos ondes. Elle sera bien évidemment podcastée sur notre site. Léa, Jules et Emma, merci d'être ici. Merci à vous de nous avoir accueillis et d'avoir permis de parler de notre projet. Et surtout de la médiation animale. J'espère que vous reviendrez nous voir. Bah oui, pas de soucis. Hein. On aime bien, on peut venir toutes les semaines. On adore. C'est bon maintenant. Quant à nous, auditeurs et auditrices de Radio Guémozo, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.